Chapitre 126. La recommandation de commencer par la droite en s'habillant. Les traditions prophétiques concernant ce chapitre ont déjà été citées précédemment. Chapitre numéro 99.